À 150 mètres, je rencontrerai un stop. C'est le panonceau qui me l'indique. Dans ce cas, l'arrêt est impératif, qu'une voiture arrive ou non, et quelle que soit la direction choisie. Réponse A, B et C.